chaque personne est un cas particulier. Et donc, je vais essayer de développer une gestion qui soit la plus proche possible de ce que vous êtes en tant que travailleur, en tant qu'individu. Je vous donne un exemple de ce processus d'individualisation. Vous pourriez me donner un exemple de ce, de cette individualisation, ce que ça peut impliquer en termes de gestion du personnel. Ici, c'est un mot, je veux dire, mais concrètement, dans la pratique, dans la quotidienneté, comment ça peut se traduire ? Alors, on peut répondre de cette manière-là, c'est un exemple d'une flexibilité sur le plan des horaires de travail, de manière à ce que vous puissiez arriver dans une fourchette de 8h à 10h, par exemple, ou que vous ayez accès à du télétravail. C'est une manière d'individualiser. Pas de problème. Salaire égal. Vous êtes tous universitaires, vous avez tous la même ancienneté, et bien vous avez tous le même salaire. C'est ce qu'on appelle les barèmes dans le secteur privé. Individualiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une partie de votre rémunération va dépendre de ce que vous apportez à l'organisation. C'est un enjeu de l'évaluation, d'ailleurs. L'évaluation va vous attribuer une note, et en fonction de cette note, eh bien, vous aurez accès à des primes ou à des montants plus élevés par rapport à ces primes. OK ? Voilà, donc il y a là un enjeu très... très important, et une volonté d'individualiser. Si j'individualise, ça veut dire que je ne veux plus vous traiter comme étant un collectif, comme étant une catégorie universitaire, voilà, avec autant d'ancienneté. Ce qui m'intéresse, c'est de gérer des individus. Il y a là des enjeux, et ça, des répercussions tout à fait importantes. Deuxième principe, c'est un principe d'implication. Donc, à l'époque, il était, certains auteurs ont dit que le contrat de travail devait se transformer en contrat d'amour, en contrat de mariage. Vous deviez, en quelque sorte, épouser votre entreprise. Alors, ce sont des images, bien sûr. Mais l'idée, quelque part, c'est que entre vous et votre entreprise, il n'y a pas de différence. Vous êtes tous, on est tous sur le même bateau. Et quelque part, on doit tous se mouiller pour que le bateau arrive à bon port. Et donc, l'implication, c'est un discours qui s'est aussi développé par rapport à l'image d'Épinal du fonctionnaire. Que nous dit l'image d'Épinal du fonctionnaire ? C'est que le fonctionnaire, il preste des heures en échange de salaire. Mais ce n'est pas quelqu'un qui s'implique dans son travail. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment de déconstruire ça et de mettre en avant un profil de travailleur comme étant quelqu'un qui s'implique, qui prend des responsabilités, qui va rester un peu plus tard pour traiter un dossier, etc. Donc c'est plus, si vous voulez, la logique des horaires qui est prédominante, mais c'est la logique des objectifs. Voilà. On m'assigne des objectifs et je vais tout mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et donc si je dois rester un peu plus tard, si je dois faire un peu plus que les 38 heures ou les 36 heures, eh bien voilà, c'est naturel. Troisième grand repère, c'est l'employabilité. Donc, vous avez une responsabilité importante par rapport à votre employabilité. Votre employabilité, on pourrait dire que elle se traduit par le fait de rester désirable par mon employeur, désirable par les employeurs. Donc l'employabilité consiste à maintenir à jour ses compétences, à actualiser ses compétences de manière à rester compétitif, de manière à rester désirable sur le marché du travail interne à l'intérieur de l'entreprise, ou sur le marché du travail externe. Et donc, ce terme est important parce qu'il reporte, en quelque sorte, la responsabilité de ce que vous êtes sur vos épaules. Ce n'est pas la société qui est responsable du chômage, ce n'est pas le fait qu'il y ait trop peu d'emplois qui est responsable du chômage, mais c'est vous, en tant qu'individu, qui êtes responsable de votre situation de chômage. C'est parce que vous n'êtes pas suffisamment employable, vous n'êtes pas suffisamment désirable pour les employés. Et enfin, le quatrième repère fort, il est peut-être plus présent dans les discours et on en a parlé encore abondamment la semaine passée autour de la loi Peters. Donc c'est la question de la flexibilité. C'est qui Peters? C'est un ministre fédéral et qui a parmi ses compétences le travail. Et donc il a déposé un projet de loi qui vise à flexibiliser un peu plus le marché du travail. Et donc on va progressivement vers une société qui est de plus en plus flexible. Je pense que l'idéal, quelque part, de la société qui se construit, c'est une société qui ne s'arrête jamais. C'est une société qui est toujours en activité. Et donc, au niveau du travail, pour que cette société soit toujours en activité, eh bien, il faut rompre avec la logique antérieure qui encadrait très fortement, qui bornait très fortement l'activité de travail. Je pense vous l'avoir dit qu'on travaille sur le cas de la Poste belge, Miposte. Et donc, une des dernières mesures qui a été négociée, c'est le fait de savoir si le samedi était un jour normal de travail, comme le lundi, le mardi, ou si c'était un jour non normal de travail qui donnait droit à des compensations importantes, un peu comme le dimanche. Et donc, la convention qui a été signée consiste à dire que travailler le samedi devient quelque chose de tout à fait normal et ne doit pas donner lieu à des compensations importantes. Ils ont gardé un petit système de compensation, mais qui n'a rien par rapport à ce qui existait auparavant. Et donc on voit cette volonté en quelque sorte de faire en sorte que chaque jour de la semaine soit un jour normal de travail. Dans le secteur de la grande distribution, périodiquement revient à l'aide de l'actualité la question du travail du dimanche. Est-il normal d'ouvrir un magasin le dimanche ou non? Et on sent bien que ce qui est en train de gagner, c'est l'ouverture lors des dimanches. Ça fait partie de la flexibilité. Ça fait partie de cette représentation de la société hyper moderne comme étant une société qui est toujours en activité. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer progressivement cette introduction. Ici, j'ai essayé de reprendre les grandes fonctions qui doivent être couvertes en principe par la gestion du personnel. Alors, acquérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller sur le marché du travail. Et enrôler, embaucher les personnes dont l'entreprise a besoin pour fonctionner. Donc en quelque sorte, on pourrait dire que acquérir, c'est pour l'organisation, pour l'entreprise, pour le centre culturel, pour, c'est le fait d'être désirable. Dire qu'être désirable en tant qu'entreprise, ben, ça renvoie à des questions telles que le salaire, telles que les conditions de travail, quelle est la politique de rémunération qui est la mienne, est-ce qu'elle me permet d'acquérir ou non les gens dont j'ai besoin pour fonctionner, quelles sont globalement les conditions de travail que je propose. Est-ce que ça me permet de recruter, d'embaucher les gens dont j'ai besoin pour fonctionner? Alors, si vous vous mettez en tête que vous êtes, un fast-food, quelle est la stratégie que vous allez développer? Bien, c'est en quelque sorte la stratégie de la standardisation du travail, qui vous permet de fonctionner avec une main-d'œuvre très instable, un taux de turnover important. Et vous pouvez fonctionner de cette manière-là parce que vous avez simplifié tant que faire se peut le travail. Donc plus le travail est simple, plus quelque part vous pouvez aller sur le marché du travail avec des conditions de rémunération, des conditions d'emploi qui sont finalement peu élevées. Si le travail est complexe, si vous avez besoin de professionnels, eh bien là, vous allez sans doute devoir avoir une politique de rémunération, une politique de conditions de travail qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus attractive par rapport aux professionnels. Plus le travail est complexe, plus en règle générale, il doit s'accompagner au moins d'une politique de rémunération élevée. Plus le travail est simple, plus le travail est simplifié, plus vous pouvez faire face à un turnover élevé, et bien moins le travail sera rémunéré. Donc, acquérir peut être perçu de manière différente selon la réalité du travail, selon le fait que je sois un fast-food ou que je sois une université ou que je sois un laboratoire dans une grande entreprise. D'accord ? Intégrer. Alors, l'idée ici renvoie quand même à une version positive de la gestion du personnel. C'est le fait que vous devez mettre en œuvre des outils qui permettent aux gens que vous embauchez de s'intégrer dans votre organisation. Or, l'intégration peut prendre la forme d'information. Je me suis fait engager par l'université. C'est quoi cette université? Quels sont les départements qui la composent? Quels sont les services avec lesquels je vais être en relation, etc. Donc tout ça participe de ce qu'on appelle l'intégration. L'intégration, ça peut être de la formation. Je vais vous dispenser des formations particulières pour vous permettre de vous intégrer. Et enfin, positivement aussi, le développement, bah, c'est le fait de vous permettre de construire des carrières, de vous permettre d'évoluer dans votre organisation. L'idée, quelque part, c'est que on vous engage, peut-être aujourd'hui, pour une fonction particulière, pour exercer un métier particulier, mais que on se rend bien compte que ce métier-là, vous n'allez pas le faire toute votre vie professionnelle. Et donc l'organisation se construit pour vous permettre d'évoluer professionnellement. Voilà un enjeu important, étant entendu que le monde des organisations, le monde du travail bouge beaucoup. Et donc, réfléchir en termes d'évolution professionnelle, en termes de gestion de carrière, est quelque chose de tout à fait important. Juste ici, pour vous dire que gérer le personnel, c'est être présent dans des domaines très différents. Donc, c'est gérer le personnel, c'est du recrutement, de la sélection, c'est de la rémunération, c'est de la formation ou non, beaucoup de formation, c'est la question du temps de travail, c'est la question des relations professionnelles, c'est la question de la motivation, etc. Et donc le groupe va visiter quelques-uns de ces domaines, dont par exemple le domaine de la rémunération. On parlera de l'évolution des politiques en matière de rémunération. Alors, Mintzberg, l'hypothèse de congruence, qui est Mintzberg? Alors, Mintzberg, c'est un grand théoricien des organisations. Et Mintzberg a écrit deux, trois ouvrages qui vont vraiment avoir un impact très important dans le champ des théories en matière d'organisation. Et ces ouvrages datent en gros le premier ouvrage qu'il a écrit qui a eu un impact très fort, c'est le début des années 80. Ça, vous pouvez le situer. Et Mintzberg, pas confondre avec Herzberg, Mintzberg, fait partie de ce qu'on appelle l'école de la contingence. L'école de la contingence. Alors, cette école, en gros, elle consiste à dire que, ou à attirer l'attention sur la relation entre l'organisation et son environnement. Réfléchir à l'organisation préconise l'école de la contingence. Donc réfléchir à l'organisation, c'est réfléchir l'organisation comme un système qui est ouvert. Ouvert sur quoi? Sur son environnement. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est évident. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est évident, c'est une évidence pour nous. C'est une évidence que plus personne, je pense, ne remet en question. Quand on réfléchit à une organisation, on la réfléchit toujours en relation avec son environnement. Mais pour Taylor, ce n'était pas quelque chose d'aussi évident que ça. Pour tous les théoriciens des organisations, avant les années 1960, eh bien, la conception qui avait tendance à dominer, c'était l'organisation comme étant un système fermé, replié sur elle-même. Et donc ici, avec l'approche contingente, on s'intéresse aux relations entre l'environnement et l'organisation. Étant entendu, et c'est très important, que ces relations sont bilatérales, elles vont dans les deux sens. De l'organisation vers son environnement, de l'environnement vers l'organisation. Donc, pourquoi j'attire votre attention sur le fait que ça va dans les deux sens? C'est parce que si vous écoutez un patron, si si vous lisez une revue de gestion, eh bien, quasi systématiquement, vous allez tomber sur des passages qui disent que l'avenir est tellement incertain, le monde est tellement chaotique, la turbulence est telle que l'organisation n'a pas le choix, elle doit être flexible, la plus flexible possible. Et ça s'arrête là. Et donc, il n'y a pas la flèche qui va dans l'autre sens. La flèche qui va dans le sens de l'organisation vers l'environnement. L'environnement économique, l'environnement politique est en grande partie façonné par les organisations. Donc les organisations sont actives par rapport à la création de l'environnement dans lequel elles agissent. Le plus bel exemple, c'est les lobbyistes. Le job des lobbyistes, c'est en quelque sorte de façonner l'environnement pour qu'il soit le plus favorable possible à telle ou telle organisation, à telle ou telle entreprise. Donc, attirer l'attention sur le fait que les flèches vont être dans les deux sens, c'est aussi une manière de relativiser la portée du discours managérial, la portée du discours patronal. Alors, Mintzberg, je vous l'ai dit, a une influence très importante dans le champ de théorie organisationnelle. Et un ouvrage qu'il a écrit s'appelle « Structure et dynamique des organisations ». Donc, « Structure et dynamique des organisations », qui date du début des années 80. C'est vraiment, je pense, l'ouvrage qu'il a fait connaître sur le plan mondial. Et cet ouvrage, c'est en quelque sorte une synthèse intelligente de tout ce qui a été, de toutes les recherches qui ont été menées sur les organisations. Donc si vous voulez, il a été à la bibliothèque, il a pris tous les ouvrages qui ont été consacrés au monde des organisations, il les a lus, et il en a fait une synthèse intelligente, dans le sens où c'est pas un résumé, mais c'est une mise en scène, si vous voulez. Il a créé il a construit un fil conducteur, il a donné une intelligibilité à tous ses ouvrages. Un cadre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais donc ce n'est pas une succession de résumés. Ce qu'il a fait, c'est s'appuyer sur ses ouvrages pour construire un propos. Donc, pour construire une thèse, voilà. Alors, cette thèse, elle s'appuie sur deux hypothèses que l'on va voir aujourd'hui. La première hypothèse, c'est l'hypothèse de congruence. Et la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de configuration. Alors, il dit, voilà, l'hypothèse de congruence dit que pour qu'une organisation, pour qu'une structure soit efficace, il faut qu'il y ait une adéquation étroite entre les facteurs de contingence et les paramètres de conception. En d'autres termes, l'organisation efficace conçoit sa structure de façon à ce qu'elle soit en phase avec sa situation. Que veut-il dire ? Ce qu'il veut dire, c'est que fondamentalement, l'efficacité d'une organisation dépend de la manière dont elle va structurer ses relations avec sa situation. Ça va ? Oui. La situation, ça me... facteurs de contingence. Il est question des facteurs de contingence là, font, au bout de la deuxième ligne. Et c'est quoi un facteur de contingence? Alors, Mintzberg va lister une série de facteurs de contingence. Alors, ces facteurs de contingence, c'est par exemple la technologie. Quelle est la technologie qui est à l'œuvre dans l'organisation? Autre facteur de contingence, c'est le marché. Est-ce que le marché est concurrentiel ou pas? Est-ce qu'on a des concurrents ou pas? Dans quelle mesure ces concurrents sont agressifs ou pas? Donc, les technologies, le marché. Mintzberg dit que, autre facteur de contingence, la taille et l'âge de l'organisation. La taille et l'âge de l'organisation participent à sa situation. Et dernièrement, on m'a dit, oui, mais enfin, monsieur, alors, la liste des facteurs de contingence peut être très importante. Et de fait, on peut ajouter pas mal de choses. Mintzberg se limite, de mémoire, à 4 ou 5 grandes catégories de facteurs de contingence. Donc la technologie, le marché, l'âge, la taille de l'organisation. Il parle aussi de l'effet de mode en matière de pratique managériale, d'outils de gestion. Alors, je vais vous donner deux exemples de liens entre facteurs de contingence et réalité de l'organisation. Il vous manque quelque chose? Je peux répéter, enfin, si ça va trop vite, il faut le... Ça va trop vite? Donc, les facteurs de contingence, si on les liste, les technologies, le marché, l'âge de l'organisation, la taille de l'organisation, la mode, donc dans le sens de... Il existe des effets de mode dans le champ de la gestion. Alors, ce que j'ai dit et qui vous a peut-être aussi un peu voilà, déstabilisé, c'est le fait que Mintzberg a mis en évidence 4 ou 5 grandes catégories de facteurs de contingence, mais que si on voulait, je pense qu'on pourrait l'allonger, hein, cette liste, sans grande difficulté. Alors, quelle est une conséquence, par exemple, de la taille de l'organisation sur l'organisation? Eh bien, Mintzberg nous dit qu'après avoir lu tous ses livres, voilà, il en ressort le fait que plus une organisation occupe de personnes, donc plus une organisation est grande, plus il y a une pression qui va s'exercer en faveur de la formalisation de la communication. Donc plus l'organisation est grande, plus la communication va être formalisée. Et on peut très bien comprendre ça. Imaginez, je suis une petite université, j'ai un auditoire, deux professeurs, 10 étudiants. Je pense que si on a besoin de communiquer, eh bien, on va le faire de manière excessivement informelle. On va, comme tout est réuni dans un même lieu, qu'on est peu nombreux, forcément, on va se croiser fréquemment et donc on va échanger, on va s'ajuster comme ça, de manière très informelle. Donc, je suis une petite université, deux, trois professeurs, 10 étudiants, un petit auditoire, et puis, très vite, je m'agrandis, donc je crée des facultés différentes, j'ai des campus un peu partout dans la ville, j'ai plusieurs milliers personnes, corps académique, bibliothécaire, etc., qui travaillent pour moi. J'ai plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. C'est clair que la communication informelle ne sera plus suffisante. Et donc, je vais devoir formaliser cette communication. Je vais faire un journal d'entreprise, je vais envoyer des notes de service. Voilà. Donc, je pense qu'à travers ce petit exemple, on se rend bien compte de la pression que peut exercer l'augmentation, la taille de l'organisation sur la situation de l'organisation. L'idée, quelque part, c'est que les facteurs de contingence viennent réduire la marge de manœuvre du décideur, viennent réduire la marge de manœuvre de l'organisateur, du manager. Je suis en quelque sorte prisonnier, si vous voulez, d'un certain déterminisme. Et vous entendez parfois des patrons de petites structures qui disent « moi je ne veux pas m'agrandir parce que je veux garder cet aspect d'aller de proximité, très informel, etc. Et j'ai pas envie d'agrandir mon organisation, notamment pour cette raison-là. » Deuxième exemple que je vais prendre en relation peut-être aussi avec l'actualité, avec ce qu'on entend souvent, ce qu'on peut lire souvent dans les journaux, ce qu'on entend à la radio, à la télévision, ce qu'on peut lire dans les journaux, c'est la question du marché. Est-ce que je suis sur un marché dynamique ou pas? Voilà. Alors, si mon marché n'est pas dynamique, qu'est-ce que ça a comme implication? Eh bien, ça a comme implication que ce que je fais aujourd'hui et qui marche, je peux sans doute le refaire demain sans aucun problème. Le marché ne change pas, il est stable. Et donc, si j'ai créé quelque chose et que le marché absorbe positivement ce que j'ai créé, pourquoi changer? Mon service est bon, mon produit est bon, le marché l'absorbe. Il n'y a pas de concurrent, les besoins du consommateur, de l'usager n'évoluent pas, donc il n'y a pas de pression qui s'exerce en faveur du changement. Si je suis actif dans un marché qui est changeant, qui est dynamique, qui est concurrentiel, eh bien, tout ça va exercer une pression sur l'organisation en faveur du changement. Je ne peux pas me contenter d'être routinier, donc je ne peux pas me contenter de la routine si je suis à l'œuvre sur un marché qui est un marché changeant, qui est un marché dynamique. Le consommateur, ses besoins évoluent, ses besoins changent. En plus, il a le choix. Il peut aller chez X, Y ou Z. Et donc, forcément, que je vais devoir me remettre en question ce que je fais aujourd'hui, qui marche. Peut-être que demain, ça ne marchera plus du tout parce qu'il y a un nouveau concurrent, il y a une nouvelle technologie, il y a de nouveaux besoins, etc. Et si je reprends l'exemple de la Poste, la Poste Biposte, vous avez une décision politique qui a été prise, qui a consisté à dire que progressivement, les opérateurs postaux, qui étaient des entreprises publiques, et qui avaient une situation, qui étaient en situation de monopole, un environnement très stable, lié au monopole, et bien que progressivement, on allait libéraliser le marché postal, que progressivement on allait ouvrir le marché postal à la concurrence. Et donc, à partir de ce moment-là, on a créé une pression sur ce qu'on appelle des opérateurs historiques, donc sur les anciennes entreprises publiques, une pression au changement. Survivre dans un environnement concurrentiel impliquait de changer. Donc ces facteurs de contingence, ils sont importants parce qu'ils pèsent sur l'organisation, parce que ce sont des facteurs qui contraignent l'organisation et qui échappent, si vous voulez, en partie aux managers, en partie aux organisateurs. Alors, la deuxième notion qui est peut-être un peu brumeuse dans cette définition, c'est les paramètres de conception. Donc, vous avez d'un côté les facteurs de contingence. Ça va maintenant, vous voyez ce que c'est. Et puis, donc, les facteurs, juste encore un mot, les facteurs de contingence peuvent être externes, voilà, le marché. Ils peuvent être internes. L'âge, la taille, on va dire que c'est plutôt interne. Alors, les paramètres de conception, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce que Winterberg entend par paramètres de conception? Eh bien, les paramètres de conception, ce sont des leviers sur lesquels vous pouvez jouer en tant que directeur des ressources humaines ou en tant que patron d'une organisation. Donc, quand on parle de paramètres de conception, on met l'accent, en quelque sorte, sur le pouvoir du manager, sur le pouvoir du responsable de l'organisation. Je peux faire un certain nombre de choix. Donc, les paramètres de contingence, c'est les contraintes. Et les paramètres de conception, c'est la marge de manœuvre, les choix que je peux poser. Alors, Winterberg fait une liste aussi des paramètres de conception. Je vais juste en prendre deux pour que vous ayez des exemples. Je peux décider de pousser très fort la division du travail. Je peux, au contraire, décider de ne pas pousser, de ne pas mettre l'accent fortement sur la division du travail. Alors, je vais vous prendre l'industrie automobile comme exemple. On a tous quelques représentations là-dessus. Je vais faire appel à ces représentations. Mais soit on est une industrie qui mise sur la production de masse, et donc pour avoir une production de masse, je vais créer une chaîne de travail, je vais simplifier le travail à outrance, c'est Ford. Soit je vais si vous voulez, me limiter à une niche, voilà, la voiture de luxe. Et la voiture de luxe, je vais la personnaliser, l'individualiser. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais m'appuyer sur des professionnels. Et sur le marché de l'automobile, vous avez ces deux acteurs qui sont présents, les grandes multinationales qui tablent sur une division du travail très forte, et puis vous avez des acteurs beaucoup plus petits, dont on parle beaucoup moins, et qui sont plus dans des créneaux de luxe, dans des créneaux d'individualisation, et donc de travail, si vous voulez, qualifié. Voilà. Je peux décider. Ford, à un certain moment dans son histoire, il a décidé de passer du stade artisanal, quelques voitures par semaine, au stade de la production de masse, quelques dizaines de milliers de voitures, je ne sais pas si c'est par semaine ou par mois, mais vous avez vraiment une explosion du nombre de voitures produites. Deuxième exemple, je peux décider. Et voilà, je prends l'exemple. Je peux décider de centraliser les décisions, je peux décider de décentraliser les décisions. Je centralisée, ça veut dire que je vais prendre toutes les décisions. Les petites décisions comme les grandes décisions. Les décisions stratégiques qui engagent l'avenir de l'organisation, comme les petites décisions sur qui peut avoir accès au parking. Le percolateur, on va le mettre au bout. Je suis un patron omnipotent et tout doit passer par moi. Et c'est moi qui décide de tout. À l'inverse, je peux jouer la carte de la décentralisation. C'est-à-dire que je vais considérer que vous pouvez prendre une partie des décisions. C'est-à-dire que vous pouvez décider pour les choses qui vous concernent directement. Finalement, cette histoire de percolateur, vous pouvez très bien décider de où on va mettre le percolateur. Et quelque part, c'est peut-être intéressant pour moi, parce que moi, en tant qu'employeur, ça va me permettre de me consacrer aux décisions stratégiques. Et vous, vous allez pouvoir vous consacrer sur les décisions de proximité, les décisions plus quotidiennes. Mais c'est un choix. C'est un choix. Faire participer ou ne pas faire participer, c'est un choix. Et donc, Mintzberg met en relation les facteurs de contingence avec les paramètres de conception. Et il dit, voilà, il faut qu'il y ait une adéquation étroite entre les facteurs de contingence et les paramètres de conception. Alors, le dernier petit effort que l'on doit faire, c'est sans doute passer du vocabulaire des organisations, vocabulaire propre au champ des théories organisationnelles, pour transposer cette hypothèse de congruence à la réalité de la gestion du personnel par rapport à la GRH. Et donc, la transposition que je vous propose de faire, c'est de dire que pour qu'une organisation soit efficace, donc on va mettre organisation à la place de structure, c'est peut-être plus clair, il faut qu'il y ait une adéquation étroite entre son contexte, interne, externe, son environnement, si vous voulez, interne, externe, et les politiques et les pratiques de gestion du personnel. Donc, facteur de contingence, vous le remplacez par contexte ou environnement, interne, externe, c'est important, et paramètres de conception, vous le remplacez par politique et pratique de gestion du personnel. Alors, on a fait cet effort de traduction. En d'autres termes, c'est la seconde partie de la définition peut-être plus claire, en d'autres termes, l'organisation efficace conçoit sa structure, sa réalité, de façon à ce qu'elle soit en phase avec sa situation, avec son contexte, avec son environnement. Est-ce que cette hypothèse est parfaite? Est-ce qu'elle n'est pas critiquable? Je pense qu'elle est critiquable. Mais c'est un point de repère. C'est un point de repère qui attire votre attention sur l'articulation entre l'interne, l'externe, entre les paramètres de contingence et les facteurs de conception. Ok? Je ne sais pas s'il y a des remarques, des réflexions. Je peux décider de vous donner la parole ou de ne pas vous donner la parole. Ça fait partie des paramètres de conception. Vous pouvez décider de la prendre ou de ne pas la prendre. Bien, alors je vous propose de faire la pause et puis... on poursuivra avec une espèce.